François Morel, c'est à vous. Bonjour. 2019, une année de plus dans l'ère du poulet. Car je ne sais pas si vous le saviez, mais nous vivons l'ère du poulet. Non, je ne veux pas aujourd'hui parler des violences policières ou de l'aspiration sécuritaire généralisée, mais de l'extraordinaire présence des gallinacés sur la planète Terre. Quand, dans des centaines de milliers d'années, des paléontologues feront des fouilles à peu près n'importe où dans le monde, quelle que soit la région du globe, quel que soit le continent, ils tomberont essentiellement sur des os de poulet, des furculas, des bréchets et des ceintures scapulaires. Et ils s'interrogeront, pourquoi, se demanderont-ils, nos ancêtres avaient pour le poulet cette passion absolue? Pourquoi tous ces ossuaires de gallinacés qui recouvrent la couche terrestre? Pourquoi? On se demande parfois ce qu'on laissera à nos enfants, quel sera l'héritage qu'on transmettra à nos descendants. Ne vous posez plus la question. Dans des centaines de milliers d'années, quand il ne restera plus rien du mouvement des Gilets jaunes, des œuvres de Jeff Koons et peut-être même du musée du Louvre, quand il ne restera rien des livres qui nous passionnent, des films qui nous enthousiasment, des musiques qui nous font vibrer, de nos baisers volés et nos regards échangés, de nos désirs, de nos espérances, de notre appétit de vivre, et de notre soif d'absolu, il y aura toujours des os de poulet. Les poulets pèsent à eux seuls 3 fois plus que l'ensemble des oiseaux sauvages réunis voletant en ce moment dans le ciel. Il existe actuellement 23 milliards de poulets sur Terre. 23 milliards de poulets qui seront morts, abattus pour être mangés dans moins de 6 semaines. Ce qui veut dire que dans 1 mois et demi, 23 milliards de nouveaux poulets qui seront morts et ingérés 1 mois et demi plus tard seront à nouveau remplacés par 23 milliards de poulets comme des armes. Mais successives mortes au combat du consumérisme de masse. Ah, si les poulets savaient s'organiser, ils pourraient se fédérer en syndicats, en ligues, en partis, ils pourraient devenir, qui sait, les maîtres du monde, décider que le chant du coq serait facultatif ou mieux, interdit à certaines heures trop matinales, ils pourraient convenir que la circulation du renard serait désormais surveillée, nécessiterait un passeport diplomatique délivré par les seules gallinacées compétentes, ils pourraient décréter qu'une véritable politique de réhabilitation des poulaillers les plus vétustes serait entreprise partout dans le monde, que la question de la qualité de la vie dans les poulaillers industriels serait mise sur la table. Le problème est que la durée de vie d'un poulet est de moins de 2 mois. Comment voulez-vous engager des discussions quand on a une durée de vie si courte? Les coqs et les poules, les poulets bio et les poulets certifiés auraient besoin de temps pour se coaliser. Regardez la difficulté qu'a la gauche aujourd'hui pour s'organiser. Ne serait-ce que pour exister aux prochaines élections européennes qui auront lieu dans quelques mois. Le poulet, comme la gauche, semble n'avoir pour seule vocation que témoigner, sans pouvoir prendre part aux décisions qui, justement, auront des conséquences sur l'avenir de la planète. C'est triste ? Bah oui, un peu, oui. Merci François Morel. Et...